l'amour et puis donner la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Enfants de tout pays, bonjour. Eh bien, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. À la technique, eh bien, nous aurons aujourd'hui Dawn et Yves, merci, et en votre compagnie, Daniel, pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Alors, tout d'abord, je voudrais dédier cette émission à Yvette et Philippe Constantin de Saint-Paul-de-Léon, qui m'ont suggéré le sujet d'aujourd'hui et m'ont aidé à le concrétiser. Et puis, bravo à Yvette et à ses 37 ans passés à l'office du tourisme de cette ville. La programmation d'aujourd'hui, donc, comprend des ouquantillés, comme toujours, un voyage musical au pays du Léon, vous l'aurez compris, évidemment, trois coups de chapeau à Romuald, c'est un chanteur de Saint-Paul-de-Léon, et une balade, une promenade autour du mot « jardin ». Allez, place au zouk. Jean-Marie Ragalde est un auteur, compositeur, interprète d'origine martiniquaise. Bassiste dans un premier temps, il a mis en œuvre ses talents d'auteur et de chanteur. On a pu le voir s'illustrer au sein de plusieurs formations, dont Original, puis Ozon, puis For Live. Demelwin, Jean-Marie Ragalde. Ça pas vrai, t'es mis les mains, ni ça qui cadit. premier coup de chapeau à Romuald. Alors Romuald, c'est un chanteur et compositeur français, originaire donc de Saint-Paul-de-Léon. Il a passé une partie de sa carrière à représenter au concours de l'Eurovision des pays comme Monaco, comme Andorre et comme Luxembourg. Et voilà, il représente cette année-là à Monaco au concours de Eurovision de la chanson, c'était en 64, et il se classe troisième avec le titre « Où elles sont passées ?»« Où elles sont passées ?» Romuald. Où sont-elles passées, celles qui m'ont fait croire à la belle histoire du fruit défendu? Que de temps passé dans l'attente vaine d'étreintes incertaines, que de temps perdu. Le cœur débordant de tant de tendresse par mes maladresses, garder son tourment. Dans la rue tendrement, elle prenait ma main. Seule à seule, gravement, elle disait demain. J'y pense aujourd'hui, pourtant moi je souris du temps passé à croire à cette histoire. Où sont-elles passées, celles qui m'ont fait croire à la belle histoire du fruit défendu? Mais ce temps passé qui semblait folie, que de nostalgie il m'aura valu. Car les filles alors avaient le mystère des amours premières à jamais perdues. Sont-elles passées, celles qui m'ont fait croire à la belle histoire du fruit défendu? Au pays du Léon. Le pays des Léons, c'est une ancienne principauté de Basse-Bretagne, patrie des Léonards. Le pays du Léon forme la pointe nord-ouest du Finistère, donc vous voyez le département du Finistère, et c'est le haut, dont Brest et ses 300 000 habitants et l'agglomération principale. Alors le pays du Léon, il doit à sa géographie d'avoir conservé un patriotisme linguistique et culturel. Saint-Paul-de-Léon et ses 7000 habitants est toujours considéré comme la capitale du pays du Léon. Les autres villes importantes sont Landerneau, Landivisiau, Roscoff, etc. Il existe une rivalité ancestrale vive entre les Léonards et leurs voisins du Trégor et de la Cornouaille. Alors le Léonard, lui, est réputé très religieux, conservateur et doué d'un bon esprit d'entreprise, ce qui ne semble pas être le cas de ses voisins, réputés plus laxistes et bons vivants, ne le répétez pas. Kous Breizel, Eliane Pronost.

Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, de grâce, monsieur. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Deuxième coup de chapeau à Romuald. En 1968, alors cette fois il représente la principauté d'Andorre au 3e festival international de la chanson à Rio au Brésil. Et il obtient la 5e place avec une chanson écrite par Pascal Sevran et Serge Lebraille, Le bruit des vagues, Romuald. Fenêtre ouverte, on écoutait le bruit des vagues vertes qui se brisaient sur le rivage. Restait là, les yeux fermés, sans se parler, comme ayant peur que ce bonheur ne soit pas vrai. On aurait dit une chanson, le bruit des vagues. Tout étourdi, j'ai mis mon front. Et j'ai compris que c'était toi l'amour. Fenêtre ouverte, on écoutait le bruit des vagues vertes qui se brisaient sur le rivage. La veille encore, je n'aurais pas imaginé que tu pourrais auprès de moi te réveiller. Et ce matin, en écoutant ce bruit-là, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Retour au pays du Léon. Alors le Léon, parti du Finistère, alterne les côtes rocheuses entaillées de rias et de criques surplombant des falaises à pic et campagnes paisibles dédiées aux parcelles cultivées. Le Haut Léon, où les choux-fleurs et artichauts sont rois, est riche de beaux châteaux et de manoirs, de chapelles, et une ville comme Saint-Paul-de-Léon avec sa cathédrale, et Roscoff chargé d'histoire et de patrimoine. À proximité, le pays de Morlaix se déploie autour de sa capitale, belle petite ville, aux maisons typiques et de sa baie dont l'atmosphère maritime enveloppe même l'intérieur des terres. Et puis il y a l'île de Batz, une terre plate et dénudée, offre douceur et repos grâce à son climat exceptionnel et son accès interdit aux voitures. Là, vous pourrez visiter le jardin exotique, il est extraordinaire. Et puis les campagnes agricoles du Bas-Léon et ses côtes sauvages couvrent les trois quarts de la surface du pays. Oh, son patrimoine en fait une terre d'exception. Église de beaux retables, basilique de Folgoète, manoirs, calvaires, enclos paroissiaux et châteaux, menhirs de Brelès et de Kerlouat, et de nombreux sites saisissants et naturels. Et puis, Abervrac, la pointe de Saint-Mathieu, Trésir, l'archipel d'Ouessant, ah ben oui, lui, il est composé d'une dizaine d'îlots et de 7 îles principales, dont seuls Ouessant et Molène sont habités. Tapissée de landes, entourée de murs et de pierres, elle se consacre à l'élevage du mouton. Plage aux rochers couverts de mousse et d'algues, vieille maison aux volets colorés, le phare de Creek, climat le plus doux de France en hiver. À Ouessant, tout concourt au bonheur des amateurs d'authenticité. Et pour illustrer ce voyage en Pays du Léon, j'ai choisi, bien entendu, des chanteurs originaires du Pays du Léon. Les voisines, Renan Luce. Dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pliée. Jairo. Jairo, c'est un chanteur et compositeur argentin qui, après une première partie à l'Olympia lors du récital d'Alice Donna, a sorti son plus grand succès au printemps de l'année 1980 avec le titre « Les Jardins du Ciel », disque écoulé à 1,5 million d'exemplaires dans toute l'Europe. « Les Jardins du Ciel », Jairo. Longtemps, quand j'étais un enfant, ma mère me racontait l'histoire d'un homme venu d'ailleurs, de plus loin. Il disait que la vie, que le monde était en danger. Il faut s'en aller, disait-il. On est arrivé dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant 1000 années. On est arrivé sous un nouveau soleil, entend chanter l'éternité. Au bout de tes doigts, il fait son chemin. L'amour que tu as cherché, enfants ont entendu un chant venu de la terre qui leur disait Marisa. Marisa, vous connaissez Pierrette? Non? Et Dawn, elle connaît? Non plus. Et Yves, y connaît? Oh, c'est dommage. Alors, Marisa, c'est une chanteuse originaire du Cap-Vert. Bercée depuis son enfance par la musique traditionnelle cap-verdienne, par son père qui était guitariste et sa mère chanteuse, il s'amusait à revisiter les chansons. Et d'une très très grande timidité, elle fait néanmoins la rencontre de Marvin en 2008. Marvin est celui qui réalisera ses rêves musicaux en lui permettant d'apporter sa petite contribution à la musique capverdienne, Bowen, Marisa et Marwin. J'ai le goût des remords, j'ai le parfum des regrets. Oui, je sais, j'ai eu tort d'avoir tout gâché, mais c'est fait. Essayez encore, c'est mieux que de dire je m'en vais. Notre amour n'est pas mort. J'ai beau essayer de t'oublier, j'ai beau essayer de t'effacer, j'ai beau essayer de t'oublier, baby boo, j'aime ta mambo sauté dans une amour et aguaja. Troisième coup de chapeau à Romuald. En 1969, il participe au concours Eurovision de la chanson. Mais cette fois, c'est pour le Luxembourg. Alors là, il va se classer seulement à la 11e place avec son interprétation de Catherine, Catherine Romuald. Jardin d'enfants, je vous offrais mes tartines et mes chocolats. Avec mon cœur, Catherine, amoureux déjà. Et quand la nuit refermait le jardin, vous me j'avais dans le cœur bien des rires, Catherine, triste comme des pleurs. Voilà, arrivé à l'heure où j'ai l'habitude de demander aux personnes qui nous font l'amitié d'être au studio avec nous s'ils ont une petite faim. Alors, je vous regarde, je vois Pierrette, non, elle n'a pas faim. Yves, oui, toujours, il bouffe. Hein. Et Don, non, elle n'a pas faim. Et pourtant, elle fait la technique. Hein. Que mange-t-on au Pays du Léon ? Une très importante production de légumes permet à la coopérative SICA de Saint-Paul-de-Léon d'être le premier groupement français de producteurs et d'horticulteurs. J'ai bien dit le premier groupement français. Artichaut, camus, échalotes. Alors là, l'échalote, ils en cloquent partout. Hein. Endives, oignons rosés de Roscoff, carottes des sables de Santac, pommes de terre des sables également, choux-fleurs, choux paumés, brocolis. En fruits. Alors, on a sans doute tous entendu parler de la fraise de Plougastel. De par son terroir et son climat particulièrement favorable, c'est la plus précoce des fraises de production française. Pas de variété particulière, non. La fraise pousse plus vite dans la région de Plougastel qu'ailleurs. Et les premières garriguettes que nous consommons en début de printemps viennent très souvent de là-bas. Puis les produits de la mer avec les coquillages, les crustacés et les algues en poisson. Eh bien, on trouvera beaucoup de bars, de lottes, de lieux et de maquereaux. En coquillage, l'amande de mer, l'oursin. L'oursin, pas trop, mais quand même un peu. La coquille Saint-Jacques, ah oui, bien sûr. La moule de bouchot, la bernique, la palourde et la praire. En crustacé, l'araignée de mer, le tourteau, les trilles, la crevette, langouste et langoustine. Et alors là, il ne faut pas l'oublier celui-là. Et le homard bleu. Ils en sont fiers, au Pays du Léon, du homard bleu. Et puis, maintenant, on va passer aux spécialités culinaires du Pays du Léon. Alors, le far, bon, beurre, farine, œufs, lait, sucre. Le Quingaman. Ah, tout le monde connaît ça, au moins le nom. Un gâteau au beurre salé et qui cale bien. Quand on a mangé du Quingaman, après, on n'a plus faim. Le Kigafars. Un grand plat typique composé de viande et de farce, un authentique pot-au-feu à la mode bretonne. Et puis alors, plus spécial quand même, la cotriate, une sorte de bouillabaisse, avec poissons, crustacés, légumes et aromates. Le pouloud, ah, un plat rustique qui met en scène le blé noir, la farine cuite dans un mélange de lait et d'eau. Alors, le pouloud accompagne la charcuterie, mais revient fréquemment en tant que dessert. Et puis, pour la tradition, le pain recuit, encore appelé pain marin ou pain bateau, spécialement pour assurer l'approvisionnement des équipages embarqués pour plus d'une semaine. La recuisson apporte une meilleure protection de la mie,

éclat poussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps, même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Attaché à ses racines, le pays du Léon est un lieu de tradition à l'identité culturelle forte, et c'est cet esprit entre tradition et modernité qui a fondé l'association Bleu-Niadur. Alors Bleu-Niadur, ça signifie floraison. Bleu-Niadur, une association citoyen d'honneur de la ville de Saint-Paul-de-Léon, représente la culture traditionnelle vivante, les danses et la musique du pays du Léon, mais aussi Bleu-Niadur possède l'un des vestiaires le plus important de Bretagne et développe une démarche ethnologique autour du costume. Alors le costume, parlons-en. Le costume, on va traiter la période du 19e siècle et le 20e jusqu'à 2018. Et puis après, ben, le costume, on en parlera bien moins. On retrouve dans les costumes les marques de religion, la situation financière, l'état civil et l'implication dans la vie associative, la vie paroissiale et la vie politique. Le costume y représente le statut, lequel est immuable, et les conséquences de l'évolution du statut ne se répercutent que sur les enfants. Le mariage réserve aussi ses traditions. Le premier jour de ses noces, la mariée est exposée dans une grange ou dans une cour de ferme. À proximité de la jeune mariée, trône son armoire, entrouverte, et son trousseau à la vue de tous. Sur les vêtements de la mariée, grâce à la qualité des tissus qui les composent, les galons métalliques qui l'ornent, on lira la richesse et le statut de la personne qui les porte. Les coiffes, ah oui, les coiffes bretonnes, ben elles ont pratiquement disparu maintenant. Mais les coiffes, elles sont différentes si la dame est veuve ou pas. La coiffe des veuves est très simple et dépourvue de toute fanfreluche. Et puis, les couleurs, elles évoquent aussi les moments de la vie. Le violet pour le deuil, le noir pour la fête, le rouge pour le mariage, le blanc pour le culte à la Vierge. La période de deuil, elle dure un an, en violet, et le demi-deuil, les deux années suivantes, avec des couleurs vertes, safranées ou bleues. En tout cas, ne parlez pas de folklore, mais de culture traditionnelle vivante. Et je voudrais remercier tout particulièrement M. Alain Salou, directeur artistique de Bleugnadur, pour les renseignements qu'il a la gentillesse de m'apporter, un partage de sa passion et de son érudition. Jean-Michel Caradec, La colline aux corallines. Deux petites flaques, un oiseau qui boite sur le chemin, donnons-nous la main, sautons la barrière, dans les fougères, cherchons les fleurs de l'accroche-cœur. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison, sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Si les paroles sont un peu folles, c'est que les enfants inventent tout le temps. Chasse l'autruche, à cache-cache à l'autruche, quatre moutons fument sur le balcon. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison, sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Changeons le monde, une seconde, ça fera pas de mal au règne animal. C'est la baleine qui fera la laine et le chasseur qui aura peur. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison, sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Le joueur de flûte a fait la culbute, son pantalon n'a plus de fond. La nuit qui tombe fait grandir les ombres, il faut rentrer, maman va s'inquiéter. Et Caroline et Madeleine, Christophe ou Lison, sur la colline, aux corallines, se séparent en chanson. Paul Delvaux. Paul Delvaux, il est né en 1897 et il est décédé en 1994 et ce fut un grand peintre belge, post-impressionniste, expressionniste et surréaliste. Et dans sa chanson, Frédéric François fait allusion à Tam, une jeune femme que l'on retrouve dans de très nombreux tableaux de Paul Delvaux. Tam s'appelait en fait Anne-Marie de Martelaire et elle devint son épouse en 1951. Oh, ça ne fut pas tout simple. Au début, ce fut même très compliqué. Les parents de Tam voyaient cette union impossible compte tenu de la situation de Paul Delvaux. Et les parents de Paul Delvaux ont dit « Ah, ils ne veulent pas !» Et bien, on ne les veut pas non plus. Cela dit, ils vécurent ensemble une très grande histoire d'amour, le jardin de Monsieur Paul, Frédéric François. Dans le jardin de Monsieur Paul sont exposés bien des secrets, de chutes de reins aux frêles épaules, d'un visage sur un chevalet. Et ce visage toujours le même, comme s'il n'avait eu qu'une femme, passer sa vie à dire je t'aime à cette femme qui s'appelait âme. Et la peinture toujours, toujours Monsieur Delvaux acharné des couleurs d'amour à la recherche du plus beau. Et la peinture toujours, toujours comme des mots, toujours le jardin de Monsieur Paul traîne la voix de ses parents, des premiers dessins de l'école et les yeux d'une femme enfant. Et puis bien sûr la mer du Nord, de brumes grises en platitude, les trains où il peignait encore cette femme en béatitude. Et la peinture, toujours, toujours, Monsieur Delvaux, acharné des couleurs d'amour, à la recherche du plus beau. Et la peinture, toujours, toujours, comme des mots, toujours la même au long des jours, toujours la même sur vos tableaux. Dans le jardin de Monsieur Paul, 97 ans d'amour dédié à cette femme idole, emprisonnée dans son cœur lourd, perdue de vue si loin de lui, mais si vivante dans son âme. Et au hasard d'une librairie, il se retourne. Et c'est ainsi que prend fin Patchwork. Il me reste à remercier Yves et Dawn pour la réalisation technique et vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Soyez les bienvenus sur notre page Facebook intitulée La cerise sur le canto-patchwork, où vous retrouverez les podcasts des émissions précédentes, ou alors vous allez simplement sur le site de la radio, Radio Fagette, dans Émissions, et vous pouvez trouver le podcast de la dernière émission. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, n'oubliez pas la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2 ou sur le net, fagette.net en ligne. Au revoir.